Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur mon premier podcast boursier. C'est une toute première expérience pour moi, j'espère que vous allez trouver l'initiative intéressante. En tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc je suis Value Invest HQ, du compte Twitter du même nom, je suis focalisé dans l'investissement fondamental avec une préférence pour les sociétés présentant des décotes sur actifs ou sur leur croissance future. Certains d'entre vous me connaissent, j'utilise énormément les données disponibles sur Internet pour alimenter ma compréhension des business et sociétés dans lesquelles je suis investi. Donc, je vous avais promis une surprise pour le passage de mes 900 abonnés. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les personnes avec qui j'échange chaque jour autour des sociétés, du business, de la bourse. D'ailleurs, en parlant de bourse, je suis obligé de vous faire un petit avertissement. Les informations présentées dans ce podcast, comme sur mon compte Twitter, ont un caractère purement informatif et ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente. Vous êtes responsable des opérations que vous faites sur votre capital. D'ailleurs, à ce sujet, il existe énormément de ressources pour vous former à l'investissement, à la bourse, à la stratégie des entreprises. Donc n'hésitez pas, Google est votre ami. Pour revenir à la petite surprise, donc ce podcast concerne une société forcément cotée, une société dont je suis actionnaire, je tiens à le préciser, une société qui selon moi reste encore en dessous des radars et une société qui a subi une recovery. Donc les personnes qui me suivent doivent avoir une grossière idée de quelle société il s'agit. Donc il s'agit de la société Budget Telecom, Mint depuis le changement de dénomination. Je vous propose de faire un état des lieux de la société. Pour m'aider dans cet exercice, je me suis rapproché de la personne la plus à même pour en parler. Donc bonjour Monsieur Zouré, je vous remercie de me recevoir dans les locaux de Mint à Montpellier et de m'accorder un petit peu de temps pour ce podcast et pour dresser ensemble un état des lieux et un panorama de votre société. Pourriez-vous me rappeler d'ailleurs aujourd'hui comment vous êtes arrivé dans le domaine de l'énergie, d'où vous êtes parti, qu'est-ce qui différencie le nouveau Budget Telecom de l'ancien et quelles sont les clés pour comprendre le nouveau Budget Telecom? Bonjour Edir. Bonjour. Oui, donc Budget Telecom, la société, vous la connaissez, elle a été créée il y a une vingtaine d'années avec un modèle d'opérateur télécom low cost et un modèle très très digital à l'époque. C'était un des premiers fournisseurs avec un modèle marketing purement digital, ce qui nous permettait donc d'acquérir des clients et de gérer des clients de façon très économique et proposer des services de téléphonie qui étaient 2 à 3 fois moins chers que ceux des principaux opérateurs de l'époque. Le modèle a évolué très rapidement, quoi, sur une dizaines d'années, on va dire, avec différents événements technologiques qu'il a fallu dépasser, comme le développement de la voie sur IP. Ça a été un point assez important qui nous a amené à revoir un peu notre modèle. On a réussi à rebondir et à maintenir malgré cela une croissance jusqu'en 2012, à chaque fois avec une diversification. Ce qui nous qualifie, c'est une certaine agilité, on va dire, par rapport aux mutations du marché sur lequel on peut être. On a connu différentes, donc comme je disais, le développement de la voie sur IP, parce que moins cher que gratuit, c'était compliqué, mais on a quand même réussi à se repositionner sur d'autres destinations qui n'étaient pas, elles, gratuites ou difficilement gratuites. Vous étiez effectivement positionné sur des marchés de niche. J'ai noté sur votre site, dans l'historique, vous aviez une offre spéciale pour les personnes issues d'immigration, parce que quand effectivement on est en France, on a de la famille dans les pays du Maghreb, donc on aimerait pouvoir les rappeler à des prix intéressants, une offre senior aussi. Tout à fait. Donc c'est vrai que le panel de secteurs sur lequel vous êtes positionné était assez impressionnant. Également une offre pour la destination des expatriés, donc français résidant à l'étranger. Donc on a toujours réussi à identifier des niches de marché sur lesquelles on pouvait créer de la valeur et qui n'intéressaient pas forcément les grands opérateurs. En 2012, on s'est également diversifié sur la téléphonie mobile. On était les premiers à proposer une offre de téléphonie mobile sans téléphone, c'est-à-dire SIM only. Pareil avec un modèle marketing full web. Puis est arrivé Free Mobile et là ça a été compliqué parce que Free a eu un marketing tarifaire très très très agressif qui laissait peu de place à l'époque pour les MVNO. Les choses sont en train de changer aujourd'hui, mais à l'époque en 2012 ça a été compliqué pour les MVNO et même pour les opérateurs de réseau. Donc à partir de ce moment-là, était sur une phase de croissance régulière, continue, de 2000 à 2012, pour une douzaine d'années. À partir de 2012, c'était une phase un petit peu de décroissance. On avait du mal à se repositionner, à trouver des relais de croissance dans les télécoms. Donc, j'ai pris moi-même un peu de recul dans cette période. La société a investi dans d'autres projets comme des solutions d'efficacité énergétique qui n'ont pas véritablement abouti. C'était peut-être trop tôt à l'époque. Aujourd'hui, on est plus à l'écoute de ce type d'offres. Peut-être trop tôt, mais ça a été compliqué. Il y a eu deux années compliquées de 2014 à 2013 à 2015. Je suis revenu en 2016 avec reprendre la direction de budget, avec l'ambition de redynamiser la société, de la relancer vers une nouvelle phase de croissance, et en faisant le bilan de qu'est-ce qu'on savait faire. Ce qu'on savait faire, c'était trouver des clients B2C en utilisant des mécanismes de marketing digital. On savait les gérer de façon relativement automatisée grâce à une plateforme qui avait été déjà développée pour les télécoms. Donc on avait, en termes d'actifs, une plateforme informatique qui était capable de gérer des clients B2C, de les acquérir, de les gérer, de les facturer. Ça, on savait le faire dans les télécoms, et on s'est dit, si on sait faire ça pour le B2C télécom, on devrait être capable de le faire également dans le secteur de l'énergie. Parallèlement à cela, notre environnement commence à se poser des questions climat sur les énergies renouvelables, le développement, la transition énergétique, et on fait le choix de s'investir également vers un des services qui soit éco-responsable. Et donc on fait donc on va proposer des services énergétiques, mais de l'énergie renouvelable. Et ça rentre dans le nouveau budget télécom. C'est proposer des services à bas prix, mais des services qui soient éco-responsables. C'est-à-dire qu'il y ait toujours du sens dans les services et produits que nous proposons. C'est arrivé, je pense, au bon moment, en 2016. Cette problématique commençait à prendre de plus en plus d'ampleur dans l'environnement social de nos pays, particulièrement en Europe. Le marché de l'électricité était déjà ouvert, mais il y a une véritable prise de conscience de cette ouverture à partir de 2016. Et donc on a pu, à partir de là, et assez rapidement, développer cette offre de services énergétiques vertes et la mettre sur le marché en avril 2017. Très bien. Sur l'activité donc Mint Energy, on constate qu'effectivement sur l'année 2018, vous avez recruté autour de 30 000 clients. Mmh. Sur l'exercice 2019, sûrement l'équivalent. Oui. À votre avis, quelles sont les raisons finalement du succès? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les clients viennent chez Mint? Alors, on a aujourd'hui deux éléments, hein, comme je disais, c'est le prix. Et le prix, parce que ça, c'est dans notre ADN. On a toujours cherché à avoir un positionnement tarifaire meilleur que celui de nos concurrents. On se dit, si nos concurrents arrivent à proposer moins 10%, nous, on doit être capable de proposer moins 10. Il n'y a pas de raison. Donc, c'est une prétention, mais on y arrive. Et puis également le côté renouvelable, comme je vous dis, c'est un point important, et de plus en plus de consommateurs cherchent des services qui soient verts, qui participent à la transition écologique. Et ces deux éléments font qu'avec un budget marketing qui reste relativement très très très raisonnable par rapport à d'autres acteurs du marché, on arrive à avoir un niveau de conquête client important avec un coût d'acquisition qui est de l'ordre de 20 à 30 euros, ce qui n'a rien à voir avec les coûts d'acquisition que peuvent connaître nos concurrents. Alors, et puis également un mécanisme fort d'acquisition qui est le parrainage. Nos clients sont nos prescripteurs, et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille très très fortement, c'est créer une communauté. Donc on le fait en utilisant les réseaux sociaux. On va le faire de mieux en mieux parce que c'est quelque chose qu'on va renforcer. Et ça, c'est faire en sorte que nos clients soient nos prescripteurs. C'est ce qui nous permet d'accélérer notre croissance avec des coûts d'acquisition maîtrisés. En parlant d'accélérer la croissance, quand vous aviez lancé l'activité en février 2017, Vous aviez comme ambition d'atteindre en fait un nombre de, une base client de l'ordre de 50 000 clients. Vous l'avez atteint en début d'année, avec 2 ans d'avance. Donc effectivement, on voit de suite l'efficacité de votre business model. C'est d'ailleurs un des points qui m'a poussé à rentrer dans votre société. Je rappelle pour les auditeurs que je suis actionnaire de cette société. Est-ce que vous pensez que vous êtes en mesure de conserver cette dynamique de croissance sur les prochains exercices? Alors, sur 2019, nous avons augmenté encore notre volume d'acquisition client. Donc, il y a effectivement plusieurs éléments sur ce marché. C'est pas un marché facile, vous le savez. C'est un marché qui est très concurrentiel. C'est un marché sur lequel arrivent de nouveaux arrivants, de nouveaux acteurs quasiment tous les mois quand même, mais là il y a 2 nouveaux acteurs britanniques qui viennent de rentrer sur le marché. Donc on commence à avoir environ 30aine d'acteurs aujourd'hui sur ce marché. Chacun avec ses spécificités, chacun avec son savoir-faire. Nous, on a la prétention de bien connaître le marché français, de bien connaître les mécanismes d'acquisition. On est bien rodé depuis 20aine d'années avec notre expérience dans les télécoms, sur tout ce qui est B2C. On a des outils qui sont rodés, on internalise énormément de choses, on évite de passer par des prestataires pour justement avoir beaucoup plus de réactivité et d'agilité, repositionner des offres, repositionner une stratégie marketing, c'est quelque chose qu'on peut faire très très rapidement. Donc nous sommes très confiants sur notre capacité à maintenir notre rythme d'acquisition client qu'on connaît depuis 2 ans et voire même de le renforcer. Parce que plus on a de clients, plus on a la communauté grandit, et plus la communauté grandit, et plus on a capacité une force à, d'acquisition de clients via le parrainage, entre autres. Donc, et l'objectif à long terme, ça serait de 2-3 ans en termes alors de c'est quelque chose que je peux vous communiquer, car ça a déjà été annoncé par ailleurs. À 2-3 ans, arriver à 200-300 000 clients. D'accord. Voilà, toujours avec une logique de rentabilité, de rendement. D'accord. Notre culture, sur le budget télécom, on a toujours une croissance régulière, une croissance linéaire, qui amène une rentabilité rapide. D'ailleurs, en parlant d'intermédiaire, vous avez mis fin au contrat avec la société que vous avez accompagnée au lancement de l'offre Mint Energy. Cette société vous a apporté une expertise dans la partie facturation des clients énergie et sur la partie interconnexion avec le réseau Enedis. Pourriez-vous m'indiquer l'impact coût sur l'exercice en cours? Alors, nous avons fait le choix effectivement d'internaliser cette prestation, donc de ne plus faire appel à ce prestataire. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement géré par notre équipe informatique. Et pour des raisons à la fois de qualité et des raisons d'optimisation de nos coûts d'exploitation. Et on arrive, grâce à cette internalisation, à une économie qui se chiffre à quelques centaines, on va dire sur une année 2019, ça ferait sur 8 mois. Sur 8 mois, ça ferait une économie d'environ 250 000 euros. Entre 250 000 et 300 000 euros, tout de même. D'accord. Voilà, ce qui n'est pas neutre. D'accord. Si on revient sur les résultats du S1 2019, ce semestre, en fait, s'est terminé à un équilibre qui était proche de zéro. On était à moins 78 kg euros de BE, contre 520 000 kg euros de pertes l'an dernier. Au S2, vous avez soulevé plusieurs catalyseurs. On vient de parler de la fin de ce contrat de prestation. Il y a eu la hausse du TRV, la hausse de la base client aussi, de plus de 25%, je pense, entre le S1 et le S2, la baisse des coûts marketing. Est-ce que ces éléments sont de nature à valider finalement le business de vos choix stratégiques? Quel est votre sentiment aujourd'hui sur la performance économique actuelle de la société? La performance économique de la société s'est particulièrement améliorée du fait des éléments que vous avez évoqués. Hein. La remise à jour des TRV par la CRE, c'est-à-dire une augmentation de 10% du prix de vente du kilowattheure pour les fournisseurs, ce qui représente 5,9% pour le client final, parce qu'il y a les taxes qui ne bougent pas sur sa facture. Mais par contre, pour le fournisseur, c'est une augmentation du prix, qui est le prix de référence, hein, le TRV, hein, de 10%. Cela depuis le 1er juin, qui aurait dû être appliqué s'il n'y avait pas eu la crise des Gilets jaunes au 1er janvier, a fortement amélioré les équilibres financiers de l'ensemble des acteurs, et Mint en particulier. Pour ce qui est des actions menées par Mint pour améliorer sa rentabilité, il y en a eu plusieurs. Il y a eu le lancement de l'offre Smart & Green, qui est donc une offre premium, basée sur un provisioning, un sourcing auprès de producteurs en direct. Cette offre est une offre à forte valeur ajoutée. Il y a une demande. Aujourd'hui, il y a près de entre 15 et 20% des nouveaux clients qui souscrivent à cette offre. Et c'est une offre qu'on met de plus en plus en avant. 15 à 20%. Oui, tout à fait. D'accord. Qui souscrivent à cette offre. Ensuite, il y a un autre élément, vous l'avez évoqué, c'est le fait d'avoir internalisé la prestation de services qui était liée à la facturation et relations avec Enedis. Ça représentait déjà un gain important. Il y a la renégociation d'un contrat, notre principal contrat de fourniture avec notre agrégateur, qui est donc Solvay Energy Services, qui également, aujourd'hui, on a tout réinternalisé, une partie qui est tout ce qu'on appelle les nominations, les prévisions et autres, et une partie du risque également. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on maîtrise très très bien. Quand on a démarré il y a 2 ans et demi, il a fallu démarrer avec un accompagnement qui avait un certain coût. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cet accompagnement depuis le 1er juillet, et donc c'est quelque chose qui est totalement internalisé. Tout ça mis à bout fait qu'on est effectivement particulièrement confiant sur les résultats du second semestre, et puis sur les résultats de l'année 2009. Moi aussi, je suis très confiant. pour revenir sur les différentes activités, donc on a évoqué le télécom, quels sont les projets à venir. Vous aviez évoqué à l'époque une offre combinée télécom et énergie. Autour de l'offre Mint Mobile afin de capitaliser sur la marque Mint. Où en est-on aujourd'hui ? Tout à fait. Comme cela avait été annoncé il y a presque en tout début d'année 2019, nous allons relancer l'activité télécom. Et ça, c'est dans dans la stratégie de Mint. Hein. La société, comme vous le savez, a été rebaptisée Mint. On attend toujours le CABIS pour communiquer, quoi, pour officialiser cela. Ça a été voté dans la dernière AG. Exactement, tout à fait. Et si vous consultez les nouveaux statuts, vous verrez que Mint ne se positionne pas exclusivement comme fournisseur d'électricité, mais comme un acteur qui fournit des services de base, et toujours des services de base accessibles au plus grand monde, et donc des services de base qui doivent être des tarifs toujours bien positionné par rapport au marché, et puis toujours dans une logique d'éco-responsabilité. Donc on va lancer Mint Mobile très prochainement, avec deux forfaits, un forfait 5 gigaoctets et un forfait 50 gigaoctets, et des tarifs qui seront particulièrement agressifs par rapport au forfait de référence que vous pouvez connaître chez les quatre principaux opérateurs aujourd'hui, que sont Free, Orange, Bouygues et SFR. Et comment ils se positionnent par rapport à l'offre budget mobile ? Par rapport à l'offre budget mobile, et qui a été relancée cet été. Tout à fait. Alors par rapport à budget mobile, les tarifs seront encore, budget mobile a une offre tarifaire qui est comparable à celle, on va dire, des grands opérateurs aujourd'hui. Mint Mobile va remplacer complètement budget mobile. D'accord. Et avec une offre tarifaire qui sera 20% moins chère environ que celle 30% que celle que la référence du marché actuel. Très bien. Et en termes de positionnement, donc on voit qu'il y a un positionnement de prix agressif, mais au niveau impact écologique, comment vous conciliez donc finalement le lancement de cette activité là avec l'ADN de la marque? Alors, nous associerons à la distribution de ce forfait mobile une offre de téléphone que nous sommes en train de discuter, de téléphone reconditionné. D'accord, très bien. Donc on travaille sur le zéro déchet. D'accord. On en revient toujours à l'énergie et à l'optimisation énergétique. Avant de vous lancer en tant que fournisseur d'accès à l'énergie verte, vous aviez testé le marché avec des solutions d'optimisation. Je veux parler en fait de la solution QI Énergie. Quel est le poids de cette activité ? Aujourd'hui, ce service n'est plus commercialisé de façon stand-alone, seul. Elle est commercialisée au sein de l'offre Smart and Green, l'offre D'accord. premium que je vous évoquais. Celle qui capte autour de 15%. 15 à 20%, voilà, D'accord. tout à fait. Caroline, cette offre est un prix, un tarif du kilowattheure un peu plus élevé que les offres online ou classiques. Par contre, grâce à cet outil, qui est le système de suivi en temps réel de sa consommation, grâce à cet outil, le consommateur peut réaliser une économie allant jusqu'à 15% de sa consommation. Il peut réduire sa consommation jusqu'à 15% car il en a un meilleur suivi. Voilà. Donc le fait que le tarif soit légèrement plus élevé Permet d'amortir. Est compensé par le fait qu'il dispose d'une solution qui lui permet d'optimiser parce qu'il est au courant. Exactement. Enfin, c'est toujours voilà. voilà. La donnée permet voilà. de faire de l'économie. Tout à fait. Vous avez lancé en début d'année une offre pro et solaire. Quelle est l'ambition, notamment sur la partie autoconsommation? On voit que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de clients ouais. aujourd'hui. Ouais. C'est un peu un sujet à la mode. Est-ce que vous pouvez mesurer l'impact sur le panier moyen? Aujourd'hui, pour ce qui est de l'activité photovoltaïque, autoconsommation, on va dire. On a effectivement mis le pied sur ce marché via notre offre Mine Solaire. L'objet était déjà de comprendre ce marché qui est assez particulier, hein, le marché de l'autoconsommation. On l'a découvert en partenariat avec la société Comwatt, qu'on a développé une solution commune. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine d'installations. C'est une activité qui déjà contribue positivement au bilan de la société. Donc ça, c'est déjà un bon point. Elle connaît depuis quelques mois une forte accélération. Mais on reste tout de même, il faut tout de même relativiser, 50 installations sur les dizaines de milliers de clients que nous avons, ça reste quand même tout à fait confidentiel encore. C'est quelque chose qu'on va continuer à développer et enrichir avec des systèmes de stockage notamment. Et aujourd'hui, c'est le principal frein au développement de ce type d'offre, c'est le stockage. Voilà. Pour ce qui est de l'offre aux destinations des pros, très très fort dans le B2C. Là, ce sont des petits pros, donc c'est le même type d'offre que pour le B2C. Par contre, acquisition de clients sur les pros, ça représente aujourd'hui que quelques pourcents de notre acquisition totale. D'accord. Alors, c'est pas quelque chose sur lequel, au niveau marketing, il y a probablement encore du travail à faire. D'accord, mais en même temps, ça vous permet d'optimiser un peu vos budgets. Vous pouvez adresser vos mêmes budgets marketing autour de la marque Mint. Ouais. Vous adressez à plus de monde. Tout à fait. Donc, ça, au final, ça ne coûte rien, quoi. Ah. Voilà, ça ne coûte strictement rien. On communique auprès de notre base client pour qu'ils fassent la promotion de notre offre pro auprès de leur entourage. Ils ont un ami, un cousin artisan. Un cousin, par exemple. D'ailleurs, artisan, si les auditeurs écoutent, je vous encourage à basculer chez Mint, comme moi d'ailleurs. Si vous connaissez du monde qui serait intéressé par faire des économies et en même temps réduire leur impact sur l'environnement, n'hésitez pas à consulter le site Mint Energy. Enfin, pour terminer, la Holdingay a rejoint le capital et le conseil d'administration de Budget Télécom. La Holdingay, on sait qu'elle a accompagné la croissance d'une société locale dans le domaine des énergies renouvelables qui s'appelle Valeco, dans le domaine de la production d'énergie. Est-ce que vous envisagez aujourd'hui d'investir dans ce domaine directement ou indirectement dans le domaine de la production afin de finalement d'intégrer un peu plus de valeur en fait dans ce secteur de l'énergie renouvelable? Alors c'est un sujet auquel on réfléchit, sur lequel on travaille également. C'est un sujet qui est complexe. Aujourd'hui pour un fournisseur, il n'y a pas nécessairement intérêt à intégrer de la production. C'est pas une obligation, il y a un marché. Il y a un marché qui fonctionne très très bien et les fournisseurs peuvent accéder à tous les fournisseurs peuvent accéder à ce marché. Par contre, si on souhaite avoir un positionnement véritablement vert et contrôler vraiment son sourcing et s'assurer que son sourcing est 100% vert et n'est pas basé exclusivement sur le système des certificats de garantie d'origine, dans ce cas-là, il devient opportun de réfléchir soit à investir soi-même, ce qui est dans de la production renouvelable, soit à monter des PPA, donc des contrats en direct avec des producteurs, soit participer à des projets d'investissement avec des partenaires. Donc c'est un, il y a différentes modalités, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Ce qui est certain, c'est que notre positionnement, on veut être de plus en plus vert. Il y a eu le classement Greenpeace, que vous avez peut-être vu, qui nous met en bonne voie. Donc en bonne voie, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore une partie, on a du sourcing en direct avec certains producteurs, mais une partie, et puis des garanties d'origine, et une autre partie qui est sur le marché, qui est, elle est basée sur des certificats de garantie d'origine qui nous permettent d'obtenir le label vert. Ça, ça risque d'évoluer à terme. L'ADEME risque fortement de faire évoluer ce système et d'être plus exigeante pour qu'un fournisseur d'électricité se qualifie comme étant vert. Et probablement, on va demander à ce que la part de sourcing, d'approvisionnement en direct, soit plus importante. D'accord. Donc, commence à se poser effectivement à ce moment-là la question de comment augmenter cette part. Donc, soit en direct avec des producteurs, soit via un partenaire industriel. Soit via un partenaire industriel, effectivement. Donc, soit sous forme d'un investissement, soit sous forme d'un PPA, c'est-à-dire d'un contrat où on s'engage sur le long terme. Sur un prix fixé à l'avance, qui est sûrement légèrement supérieur au tarif de l'ARENH. Aujourd'hui, on peut difficilement être moins cher que l'ARENH, quoi. L'ARENH, pour les auditeurs, c'est autour de 42 euros. En fait, ça garantit un approvisionnement sur une portion du sourcing du fournisseur alternatif. Ça permet de sécuriser une partie de l'approvisionnement. Et au global, sur un PPA avec un producteur d'énergie renouvelable en direct, on est globalement en termes de prix, on est sur quoi ? C'est entre 46 et 48 aujourd'hui. D'accord. Les prix d'une dernière négociation, on va dire, qui a pu Est-ce qu'il y a une limite de capacité ? Est-ce que demain, par exemple, vous êtes en mesure d'approvisionner 100% de vos besoins ? Aujourd'hui, c'est impossible parce que la plupart ne répondent pas aux besoins. Sous forme de PPA, ça va être compliqué de sourcer. Aujourd'hui, on va être en 2020, on va dépasser les 500 gigawattheures. Ça va être compliqué de sourcer 100% de nos besoins via des PPA. Donc ça va être un mixte. Ça va être un mixte de contrats en direct avec des producteurs de PPA. Donc pour résumer la question, sur la partie investissement dans le domaine des énergies renouvelables, aujourd'hui il n'y a pas de volonté pour un fournisseur de le faire, à part si en dehors du système des PPA ou de l'achat en direct aux producteurs d'énergie renouvelable. Par contre, si effectivement il y a un durcissement des conditions d'accès au label vert, il y aura une réelle volonté d'accélérer sur ces questions-là. Et sur la partie donc gaz, on a vu que vous aviez un partenariat pour une offre ELEC et gaz avec la société d'INEF. D'ailleurs, d'INEF récemment a annoncé qu'ils allaient se positionner sur le marché de l'énergie et de l'électricité verte. Quelle est l'ambition de Mint dans ce domaine ? Parce qu'effectivement, pour un même budget marketing, ça permet d'adresser finalement l'ensemble des clients. Tout à fait. On sait que souvent dans un ménage, on peut avoir un fournisseur pour le gaz, un autre pour l'énergie. Aujourd'hui, il y a 30% des foyers français qui ont du gaz. D'accord. Voilà. Ce qui veut dire que si on prend la base client de Mint, c'est peut-être pas 30%, parce que chez Mint, il y a les consommateurs qui basculent chez un alternatif, d'électricité. Ils ont une typologie particulière. Ils sont full électrique, quoi. D'accord. Électrique. Mais les enquêtes qu'on a pu mener montrent qu'on a 25% aujourd'hui notre base qui a du gaz. On travaille depuis un certain temps sur le gaz. On va, en 2020, premier semestre 2020, lancer une offre gaz. On travaille sur une offre de gaz vert, de biogaz, et on va effectivement proposer cette offre à tous nos clients et puis aux autres clients, et toujours de la même façon, avec un positionnement tarifaire qui soit un peu plus, toujours parmi les fournisseurs au meilleur prix du marché. Mais il faut qu'on arrive à proposer une offre qui soit verte. Aujourd'hui, le gaz est une énergie fossile. Il faut qu'on puisse trouver, et là il y a différentes solutions sur lesquelles on travaille, proposer du gaz d'origine lié à des process de méthanisation principalement. Des déchets. C'est vrai que c'est un marché assez particulier, parce qu'au niveau des producteurs, on est un marché qui est quand même très dispersé. C'est le plus souvent des agriculteurs qui font ça en parallèle de leurs activités. Si aujourd'hui vous deviez parler au Khaled Zoured il y a 2 ans au lancement de l'activité Minute Énergie, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire ou de ne pas faire? De faire ou de ne pas faire? Ah, c'est une question un peu plus philosophique. Oui. Alors, de faire, ça aurait peut-être été de renforcer les équipes plus rapidement. D'accord. On a énormément investi dans la mise en place du système informatique, on a investi également en marketing et autres. Il est temps de renforcer nos équipes, notamment en termes de direction, au niveau de la direction, hein, donc c'est ce que nous sommes en train de faire pour cette année et l'année prochaine. On a fonctionné en équipe très très très très réduite pendant 3 ans. Le management était réduit à José et à moi-même. Là, il est temps maintenant de renforcer, voilà, donc on faisait tout, hein, on faisait le DAF, marketing. Marketing, directeur technique, tout. Donc là, maintenant que le modèle a été éprouvé, a démontré sa profitabilité, sa pérennité, sa viabilité, nous allons renforcer les équipes. Ceci dit, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire plus tôt. Voilà. Plutôt parce qu'on en avait les moyens financiers, mais on a toujours une gestion très très naturellement très prudente. Peut-être ce que j'aurais pu faire, c'est peut-être un peu plus de confiance sur notre capacité à vraiment réussir sur ce marché. Donc on est arrivé très prudent, on est arrivé modestement. C'est bien, un peu d'humilité. Voilà, avec beaucoup d'humilité. Et on aurait pu peut-être effectivement être un peu plus. Peut-être un peu plus présent en termes de com également. Donc c'est quelque chose qu'on va renforcer, notre com institutionnel, notre com grand public. Bah aujourd'hui, chose qu'on va, vous discutez en partie avec vos actionnaires. Voilà. Mais je pense que maintenant, c'est vraiment 2020, ça va être une année charnière. Une année, une année un peu plus orientée maturité. Voilà, exactement. Là, on va arriver, on a démontré 2018-2019, on a démontré la viabilité de ce nouveau modèle. J'avais l'impression que l'année 2019 était une année effectivement de transition. Transition, tout à fait. Et là, en 2020, bah, ça va être une année de. Il va falloir accélérer, je pense, également, et consolider. Consolider tout en accélérant. Est-ce que vous avez un dernier mot pour vos actionnaires qui écoutent ce premier podcast? En tout cas, merci d'avoir inauguré mon premier podcast. Oui, ben, je vous remercie, Dire, pour m'avoir vous en prie. Offert cette opportunité de communiquer avec nos actionnaires. Je ne dirais pas tellement plus, si ce n'est que je remercie de leur confiance en Budget Télécom, qui en fait, maintenant c'est plus Budget Télécom, hein, c'est Mint. Dès qu'on aura reçu du tribunal de commerce le CABIS officiel, on fera une communication beaucoup plus formelle sur le changement de nom. Nous organiserons également un événement en avril 2020. Donc on conviera tous nos partenaires et nos actionnaires pour célébrer ensemble cette nouvelle étape de l'histoire de Budget Télécom qui devient Mint. Et puis également les 3 ans de Mint Energy. Et puis il y aura plein d'annonces également. Ça fait pas mal d'éléments, voilà. Pas mal de choses. Écoutez, merci de m'avoir accueilli dans vos locaux pour cette interview, première interview de mon premier podcast. J'espère que vous avez appris des choses sur la société. N'hésitez pas bien évidemment à faire votre propre analyse sur la société. Le contenu de ce podcast, je le rappelle encore une fois, est un titre purement informatif. N'hésitez pas à revenir vers les relations investisseurs si vous avez des questions complémentaires aux informations distribuées dans ce podcast. Et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.